Avez-vous vu où on en est le rap au jour d'aujourd'hui? C'est vrai que très peu sont dans les bacs malgré tous leurs écrits. Nombreux sont pas sortis de leur cave, tels que leurs sons sont pour rave. Qui sait si c'est ça ou pas, mais certains ont les kiffs grave. C'est vrai que dans le rap, y'a les bons, y'a les pourris. Ceux qui ne sont pas dans les temps et ceux qui perfectionnent leurs écrits. Y'a les pros, les amateurs, tous présents à toute heure. Les gens connus n'ont pas tous le don de l'armateur. Moi je dis que la différence vient en premier de ce que tu penses. Si déjà tu fais du rap, autant le faire avec élégance. Les gens veulent voir ce que tu penses et ils veulent tous danser. À toi de rentrer dans la danse pour les faire bouger. C'est à toi de voir, ça a des choses à prouver. C'est à toi de voir si tu fais du rap pour te la péter. C'est à toi de voir si t'es vraiment chaud ou pas. Mais si mon son n'est pas dans les temps, tout simplement il reste chez moi. Ça va être le micro. Connu ou inconnu, certains font ça pour faire les shows. Mais quand ça manie les mots, les accros et leurs cris viennent dire qu'ils font les crocs. Ça pète le micro. Connu ou inconnu, certains font ça pour faire les shows. Mais quand ça manie les mots, les accros et leurs cris viennent dire qu'ils ont les crocs. Dans le rap y'a des vrais, des faux, celles qui t'enfoncent au fond du fossé. Reconnaître le vrai du faux dans le fond, c'est pas difficile. Tu vois bien qu'il y a la rue et la rue du rap, celle dans laquelle trop se déguise afin de monter un bis du rap. Rares sont ceux qui sont restés imp face à une CLK. Esprit trop commercial, souvent c'est le cas. À la base, un flow la classe et là d'un seul coup. Imitation state pour faire danser les culs. Non, c'est plus pour nous qui font déco. Ils ont lâché le combat vu que c'est plus Ali Home qui fait du coup. Alors je débarque, je déballe, je fais le ménage. Mec, sans penser à finir dans les bacs, c'est du rap sans management. Les miens m'ont dit, dis-leur qu'on a les crocs. Prends le micro, vas-y, fonce, net tous sous défonce. Ma femme m'a dit, neige, mec, des couplets tous. Alors quand je tousse, je crache des couplets, pas des couplats, tiens, des couplets. Ça va être le micro. Connu ou inconnu, certains font ça pour faire les shows. Mais quand ça manie les mots, les accros et leurs cris viennent dire qu'ils font les crocs. Ça va être le micro. Connu ou inconnu, certains font ça pour faire les shows. Mais quand ça manie les mots, les accros et leurs cris viennent dire qu'ils ont les crocs. Connu ou inconnu, certains obligés de se cacher. Connu ou inconnu, ça arrête plus de se clasher. Mais les vies sont les mêmes, elles sont aussi dures. C'est le mic qui nous appelle, sur nos pages les mêmes ratures. Certains rappent pour la maille et d'autres pour l'écriture. Dédicacée à tous ceux qui savent parce que c'est un 16 mesures. Et ça rappe et ça en vie, ça cessera jamais de combattre. Et ça rappe et ça gratte, espérant finir dans les bacs. Tellement d'artistes ont arrêté de penser, animés par la maille et par l'envie de faire danser. Connu ou inconnu, certains textes ne sont plus sensés. Rappelle-toi la musique et pourquoi tu l'as commencé. Partout ça fait du son, ça peut se poser les bonnes questions. Connu ou inconnu, crois-moi, partout ça fait du bon. Dédicacé à ceux qui passent à l'action. Dédicacé à ceux qui chantent par passion. Ça va être le micro. Connu ou inconnu, certains font ça pour faire les shows. Mais quand ça manie les mots, les accros et leurs cris viennent dire qu'ils font les crocs. Ça pète le micro. Connu ou inconnu, certains font ça pour faire les shows. Mais quand ça manie les mots, les accros et leurs cris viennent dire qu'ils font les crocs. Ça pète le micro. Connu ou inconnu, certains font ça pour faire les shows. Mais quand ça manie les mots, les accros et leurs cris viennent dire qu'ils font les crocs. Ça pète le micro. Connu ou inconnu, certains font ça pour faire les shows. Mais quand ça manie les mots, les accros et leurs cris viennent dire qu'ils font les crocs.